Est-ce que la participation aux élections législatives est du Shirk Akbar, association majeure? La question a été posée à Cheikh Abou Mariam Al-Mekhlef. Quel est le jugement des élections? Est-ce que c'est de l'association majeure, comme invoquer en dehors d'Allah, ou immoler en dehors d'Allah, ou implorer les saints, ou comme les adorateurs de tombeaux, et ceux qui légifèrent des lois? Est-ce que c'est la même chose? La réponse du Cheikh. Celui qui se présente en tant que candidat pour entrer dans les élections, dans lequel le jugement est attribué à autre qu'Allah, et qu'il assiste à ses assemblées sous forme de législateur, vu que c'est sa fonction, de celui qui assiste à ses assemblées d'idolâtrie, celui qui se présente est donc un tarout, qu'il est obligatoire de renier, et avec lequel il est obligatoire de rompre totalement. Effectivement, celui qui se présente en tant que candidat s'érige comme un seigneur en dehors d'Allah. Allah Ta'ala dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ fils de Marie comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Sourate 9, verset 31. Allah a qualifié celui qui prend les rabbins et les moines comme seigneurs en dehors d'Allah, mushrik, donneur d'associés à Allah, parce qu'il a placé un seigneur en dehors d'Allah et lui a accordé le droit de légiférer. Et Allah a dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns des autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins, que nous sommes soumis. Sourate 3, verset 64. Ceux qui élisent des législateurs en dehors d'Allah prennent des seigneurs en dehors d'Allah. Or l'islam ne se réalise qu'en consacrant l'adoration à Allah Ta'ala seul et en rompant totalement avec le shirk, que ce soit dans la seigneurie ou dans l'adoration. Et Allah Ta'ala dit, pas de contrainte en religion, la vérité s'est distinguée de l'égarement. Quiconque désavoue le tarout, tandis qu'il croit en Allah, a certes saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah entend et sait parfaitement toute chose. Sourate 2, verset 256. Or, le législateur en dehors d'Allah est un tarout. Il est obligatoire de rompre avec lui et de le bannir de l'islam. Celui qui se porte candidat à cette fonction ne l'aura pas renié, vu que la façon de le renier, c'est de le fuir, de le haïr, de se séparer de lui et de le bannir de l'islam, alors que la candidature invalide cette rupture et ce reniement. Et Allah dit, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous mécroyons en vous. Désormais, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Exception faite de la parole d'Ibrahim adressé à son père, j'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance et à toi, nous revenons repentants. Et vers toi est le devenir. Sourate 60, verset 4. Fin de citation. L'Adi ibn Hatim me rapporte, j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, réciter le verset suivant. Ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah. Je m'écriai, nous ne les adorions pas. Il me répondit, n'interdisait-il pas ce qu'Allah avait rendu permis et vous l'interdisiez? Ne légitimait-il pas ce qu'Allah avait interdit et vous le légitimiez? Je reconnus, c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut alors, telle était l'adoration que vous leur vouez. Rapporté par Ahmed et Tirmidhi.